Les trois amis d'Écouen par Léon Gosselin. Il vous arrivera peut-être de passer sur une route du Nord qui traverse Saint-Denis. Sur cette route, si vous apercevez à votre gauche des tourelles d'ardoises, des murs couverts de lierre, une chapelle dont les rayons du soleil colorent les vitraux, saluez, je vous prie, la vieille chapelle et les vieilles tours. C'est le château d'Écouen. Écouen, que recommande à notre souvenir deux grandes renommées, l'une des temps passés, l'autre de nos jours, Montmorency, l'immortel capitaine, et Madame Campan, la noble institutrice. En attendant que l'âge vous rende digne d'admirer les actions du héros qui habitait cette demeure, rappelons un épisode qui s'y rattache et dans lequel se retrouve l'affection que Madame Campan avait su établir entre ses élèves et dont la source découlait de sa haute intelligence et de la perfection de son cœur. À Écouen, il régnait entre les pensionnaires de la Légion d'honneur une amitié universelle. Cette amitié était si vive et si pure qu'elle effaçait les inégalités de la naissance. Vous savez que l'institution d'Écouen avait été fondée par l'empereur Napoléon en faveur des filles de ses plus braves soldats, de ceux qui, en échange de leur sang répandu pour le pays, avaient reçu une croix sur la poitrine. Quoique ces jeunes filles fussent toutes des rameaux d'un arbre vénérable, toutes n'appartenaient pas à des familles d'une égale illustration militaire. Plus fortunée que la renommée des pères, l'amitié des enfants ne connaissait pas de différence. La fille du lieutenant appelait du doux nom de sœur, la fille du général, l'héritière d'un maréchal de France, avait pour confidente de ses ambitions d'études l'orpheline du simple soldat tué à Wagram. Napoléon encourageait cette égalité. Quand il allait à Écouen, il s'y rendait souvent. Il saluait avec respect, sans distinction pour les grades plus ou moins élevés des parents, tous ses enfants dont il se disait le père, et trouvant dans sa mémoire reconnaissante de ces expressions qui vibraient si longtemps dans les cœurs, il disait à l'une « Votre père est avec moi au passage du Saint-Bernard. Il se battait depuis 12 heures quand je lui dis de se retirer. » Il me répondit « C'est impossible, j'ai perdu une jambe. » « Soyez bonne comme il est brave. » À l'autre, il disait « Réjouissez-vous, ma fille. Votre père a été nommé colonel sur le champ de bataille. » À d'autres, souvent, il ne disait rien, mais il les pressait sur son cœur et il pleurait. Parmi ces jeunes élèves venus à Écouen de tous les climats, pour aller représenter plus tard la gloire de la France dans leur patrie, il en était trois, dont l'attachement était si profond qu'on le citait comme un modèle. Même dans une institution où, je l'ai dit, l'émulation n'atteignait jamais aux limites de l'envie, et où le succès des unes était le bonheur des autres. Et quel succès! Les prix annuels étaient proclamés par le grand chancelier de France, et les couronnes de laurier étaient posées sur la tête des élèves par l'impératrice, la femme de Napoléon. Ces trois élèves se nommaient Marie, Clarisse et Hortense. Marie était la fille d'un pauvre sous-lieutenant, qui avait perdu la vue par suite d'un coup de feu dans les campagnes du Rhin. Clarisse était la fille d'un de ces généraux que la guerre avait enrichi et auquel Napoléon avait donné des principautés en attendant mieux. Et Hortense, la troisième, était encore d'une plus illustre naissance. Je ne sais si les trois amis étaient les meilleurs élèves de Madame Campan, mais elles marchaient d'un pas si égal dans leurs études qu'aux distributions des prix, on était toujours sûr d'entendre prononcer leurs trois noms à la suite par le grand chancelier et de les voir toutes trois se lever pour recevoir la même récompense. Seulement, tandis que la foule des mères applaudissait, tandis que des mains de généraux couvertes de cicatrices saluaient Clarisse et Hortense, les filles de leurs camarades, il y avait dans un coin une mère qui n'applaudissait pas. Comment l'aurait-elle pu? Ses mains étaient sur ses yeux. C'était la mère de Marie, la femme du pauvre sous-lieutenant blessé d'un coup de feu pendant les campagnes du Rhin. Des années s'écoulèrent et l'intimité des trois jeunes pensionnaires ne s'affaiblit pas. Mais elle fut soumise un jour à une rude épreuve, à une de ces épreuves dont la pensée remplit les yeux de larmes. Il fallut se séparer. De trois, ne restait plus que deux. Qu'allait devenir celle qui partait? Que deviendraient les deux autres amis? Plus de plaisir aux récréations tant désirées sous les tilleuls d'Écouen. Le soir, quand le vent parlait de Paris, la grande ville, et se parfumait de l'odeur résineuse des bois de Chantilly, il fut versé bien des larmes entre ses tourelles, derrière ses murs couverts de lierre, et auprès de cette chapelle des Gouans. Celle des deux amis qui quittaient les deux autres, c'était Marie. Sa mère étant morte, le sous-lieutenant aveugle avait besoin de sa fille pour soutien et pour compagne. « Promettons-nous, » dit Clarisse, la fille du général, celle qui bientôt allait elle aussi quitter Gouan, mais pour paraître dans le monde le plus brillant. Jurons-nous, quoi qu'il nous arrive dans notre vie, de nous trouver dans 10 ans, à dater d'aujourd'hui, à la grille des Tuileries. Oui, s'écria Hortense. Je te le jure, Clarisse, je te le jure, Marie. Dans 10 ans, je serai à la grille des Tuileries. Y seras-tu, Marie? En doutes-tu, Hortense? En doutes-tu, Clarisse? Georges, dit Hortense, un des jardiniers des Gouans qui se trouvait là, soyez témoin de ce serment. Moi, Hortense, Clarisse et Marie, nous nous jurons de nous réunir dans 10 ans, à pareil jour, à pareille heure, à 6 heures du soir, à la grille des Tuileries. » Et Marie quitta Écouen. 3 mois après, Clarisse en sortit et se maria. 1 an ne s'était pas écoulé depuis le départ de Clarisse, qu'on retirait Hortense de l'institution de Madame Campan. Son éducation était finie. 10 ans. 10 ans passent vite dans le monde, et surtout quand on est heureuse comme Clarisse était appelée à l'être. On parlait du luxe de sa maison, de la distinction de ses manières. Enfin, elle se lance avec tant de pompe à la suite de son mari, un des plus riches banquiers de l'Europe, que bientôt on la perdit de vue. Si 10 ans sont un jour dans la vie d'une femme heureuse, que sont-ils pour une grande dame comme le fut Hortense, qui avait plus que de l'or, qui avait des titres, et ne voyait rien au-dessus d'elle? Quant à la pauvre Marie, elle n'avait ni équipage ni maison, comme Clarisse et Hortense. Elle n'avait sans doute qu'un père à consoler et à conduire au soleil, qu'aiment tant ceux qui ne peuvent plus le voir. Enfin 8 ans s'écoulèrent, 9 ans, vint la 10e année, vint le jour convenu, le jour solennel, où les 3 amis des Gouans avaient promis de se rencontrer à la grille des Tuileries, quels qu'eussent été les événements de leur vie. Ce jour tombait un dimanche, on était en automne. Les Tuileries étaient dorées de leurs feuilles, qui commençaient à jaunir. C'était, comme toujours, derrière les grilles de beaux arbres, derrière les arbres des statues, à travers les arbres et les statues des jets d'eau, à gauche le château, au fond le dôme d'or des Invalides. Plaçons-nous à la grille des Tuileries et attendons. Voici l'heure. 6h-10 minutes. Personne encore. 6h-5 minutes. Personne encore. Il n'y a donc pas d'amitié sur la terre. 6h-1 minute et personne, personne. 6 heures. Une voiture à 4 chevaux arrive, s'arrête, des chevaux anglais, de l'or sur les roues, la portière s'ouvre. Une femme, très jeune encore, descend et regarde de tous côtés. Elle est belle, elle est somptueusement parée, on se presse à la grille des Tuileries pour l'admirer. Cette dame, c'est Marie, la pauvre Marie, la fille du lieutenant devenu aveugle à la suite d'un coup de feu dans la campagne du Rhin. Comment était-elle si riche? Voici. L'Empire s'était écroulé. La Restauration avait rendu aux parents de Marie tous les biens dont la Révolution les avait privés. Je vous ai dit que 10 ans se passaient vite. L'Empire de Napoléon était passé avec eux. Mais tandis que Marie cherchait encore autour d'elle, vêtue d'une robe modeste, dans une tenue dont la propreté ne cachait pas la misère, une femme la salue avec respect et s'approche d'elle avec indécision. Marie est dans les bras de Clarisse. Clarisse, la fille du général, la riche Clarisse, était ruinée, et ruinée depuis longtemps. À la suite de funestes opérations de banque, son mari avait fait faillite et était parti pour l'étranger. « Tu me raconteras ton histoire à mon hôtel, » interrompit Marie. « Tu ne me quitteras plus. Redeviens, mon ami. J'étais pauvre et Gouan, et tu m'aimais. Je suis riche à mon tour. Ne sois pas plus fier que moi. Accepte l'égalité des Gouans. » Clarisse allait monter dans la voiture de Marie. Tout à coup, les 2 amis se regardent. « Et Hortense ?»« Et Hortense ?»« Tu sais ce qu'elle fut ?» dit Marie en soupirant. « Tu sais ce qu'elle est ?» ajouta Clarisse en laissant tomber une larme. Dans l'espace de 10 ans, la pauvre Marie était devenue riche. L'opulente Clarisse manquait du nécessaire, et Hortense pleurait à long exil en Allemagne. « Ne vous appelez-vous pas Marie ? Ne vous appelez-vous pas Clarisse ?» Celui qui adressait cette question à Clarisse et à Marie, c'était le jardinier Georges, témoin du serment des 3 amis, le soir de la séparation à Écouen. « Ceci est pour vous, » dit Georges, « et ceci pour vous. » Et Georges disparut. Les deux amies ouvrirent chacune la petite boîte que l'ancien jardinier Nécouan leur avait remise. Dans la première boîte se trouvait la moitié de la couronne d'Hortense, ancienne reine de Hollande et belle-sœur de Napoléon. Et dans l'autre boîte, l'autre moitié. C'était les trois amis Nécouan par Léon Gosselin.